Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, la radio libre, s'il en est. Et oui, il en reste des radios libres. Il y en a eu beaucoup si les militants s'étaient précipités pour prendre des temps d'antenne. Eh bien, on n'aurait pas eu assez de temps d'antenne pour tout le monde. Mais voilà, voilà, voilà. La TSF a été inventée déjà depuis un certain temps et tout le monde s'en est pas encore vraiment, vraiment rendu compte. Alors, le programme de ce soir, eh bien, il sera question de thèmes d'actualité, comme d'habitude, bien sûr, hein. La revue de presse, et puis ensuite, eh bien, l'avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon. Première partie pas de problème de financement des retraites. Hein, quelqu'un nous dira qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites et le démontrera, parce que c'est pas le tout d'affirmer des choses, encore faut-il le démontrer. Eh oui. Ensuite, Clément Viktorovitch démontrera un petit peu les vœux de Macron. Hein, eh oui, il montrera comment, en utilisant tel terme, telle tournure, plutôt que tel autre, on peut arriver à relativement facilement rouler l'électeur moyen dans la farine, et puis ensuite le jeter dans la poêle pour le frire et le manger. Ensuite, la seule issue, retrait de la réforme de retraite, par Adrien Quatennens. Et comme d'habitude, Adrien Quatennens, il ne parle pas pour ne rien dire. Il est très convaincant, il ne dit que des vérités. Moi, ça fait déjà 3 ans que j'essaie de le prendre en défaut et j'y suis pas encore arrivé. Eh oui, j'aurais bien voulu mettre une mauvaise note au moins une fois. Eh ben non, il n'y a pas moyen. Et voilà, et c'est des gens comme ça qu'il faut mettre au pouvoir. Des gens qui parlent juste, qui parlent vrai et qui agissent vrai. Séisme, centrale nucléaire, seuil de sûreté. Oh, ça c'est moins intéressant déjà, hein. Ah oui, ça c'est grave. Mais bon, une retraite de 36 000 euros par mois, 36 000 euros par mois, pour qui ? Ben pour François Hollande. Alors voilà, une histoire qui ne dure qu'une minute, mais voilà. Ensuite, Vive Pompidou, un billet de François Morel. Vous vous rappelez de François Morel ? Hein ? Eh oui, un bon humoriste. Voilà. Et puis, alors, bon, ben voilà, je vous souhaite, bien entendu, comme d'habitude, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis une bonne semaine, à l'écoute de RGM. Voilà, au revoir. De presse, bien, on peut commencer par exemple par La Plaine, environnement, mercredi 15 janvier 2020, la nappe des GTI des annonces le 16 janvier. Point d'interrogation. Voilà. Eh bien, ça à suivre. Hein. Ah oui, on va rester attentif. Parce que des choses qui se font alors qu'elles ne devraient pas se faire, et des choses qui ne se font pas alors qu'elles devraient se faire, il y en a plein. Hein. Il y en a plein les journaux, plein les radios, plein les télés. Ouais. Et puis on continue à voter pour ces gens-là. Enfin, certains continuent à voter pour ces gens-là. Parce qu'il y a toujours une solution. Si on vous donne à choisir entre la peste et le choléra, il ne faut pas choisir ni la peste ni le choléra. Il faut inventer une troisième solution. Voilà. Hein ? Ben oui, une feuille de papier toilette, par exemple, pour montrer que ben voilà, on n'est pas d'accord, on n'est pas content, on est fâché, on est voilà, ou ce qu'on voudra. Hein ? Oh bon, on peut toujours découper un bout d'une publicité et puis sur tel ou tel truc rigolo, voilà. Rigolo ou pas, rigolo, un truc qui montre qu'on est fâché que ces gens-là nous gâchent la vie, comme ils ont gâché la vie de nos parents, en faisant de nos grands-parents la guerre de 14, en faisant la guerre de 39-45, en faisant la guerre d'Indochine, d'Algérie, en fabriquant du chômage, et à cause du chômage, et de la misère, et du chômage et de la misère. Hein. Alors, voilà, faut qu'on leur fasse comprendre que, eh bien, on n'a qu'une idée, c'est de les licencier, ces gens-là. Les mettre au chômage. Vous voyez, imaginez Macron au chômage, ça serait bien. Alors, on lui dirait, mais monsieur Macron, du travail, il y en a. Vous traversez la rue, de l'autre côté de la rue, vous voyez, là, il y a un gars, il tient un marteau pneumatique. Eh bien, vous lui tapez sur l'épaule, puis vous lui dites, eh bien, mon gars, tu t'en vas de là, tu vas à l'Élysée, tu me remplaces, et moi, je te remplace ici. Oui, je vais faire marcher le marteau pneumatique. Sur quel bouton on appuie? Alors, le contremaître, il vient, et puis, il lui montre, le chef de chantier, il lui dit, ben voilà, on appuie comme ça. Et puis, alors, ben voilà, on fait attention de pas trop se déglinguer la colonne vertébrale et tout le reste. Même en faisant attention. même en faisant attention. Bon, enfin. Autre sujet. Épinal, social, hôpital, les infirmiers du bloc opératoire font bloc. Le personnel, infirmier, anesthésiste et infirmier du bloc opératoire de l'hôpital Émile Durkheim d'Épinal a occupé le terrain ce mardi. Une quinzaine d'entre eux a manifesté pour que les compétences et les spécialités du métier soient reconnues. Tout comme sa pénibilité. C'était le mercredi 15 janvier 2020. Vous voyez, bon, ça passe vite le temps, hein. Eh oui. Et puis les choses n'avancent pas beaucoup, hein. Le temps, il passe, lui. Mais les événements, c'est l'immobilisme étant en marche et rien n'arrêtera, disait l'autre. Suicide chez Leclerc, à Vendeuvre. J'ai de la haine pour le chef de mon fils. La mère de Maxime Chéry, le directeur FO. Le délégué FO, pardon. Délégué FO. Alors, qui s'est suicidé dans le magasin Leclerc de Vendeuvre, était présente ce mardi devant l'hypermarché lors de la manifestation en mémoire de son fils. Elle témoigne entre stupéfaction et colère. Oui, chez les agriculteurs, on suicide beaucoup. Eh oui, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des années, des dizaines d'années, et puis qui s'aperçoivent qu'ils n'auront rien, ni retraite, ni autre chose, qu'ils auront travaillé pas pour rien, parce que non, mais pour enrichir quelques intermédiaires, disons, les gens qui achètent votre travail pas cher et qui le revendent à d'autres bien plus cher. Ils prennent leur bonne marge bénéficiaire entre-temps, et puis vous avez travaillé, vous êtes crevé toute votre vie pour enrichir ces gens-là. Eh oui, c'est comme ça, le monde, il marche comme ça, mais il ne doit pas, il ne devrait pas, il ne doit pas marcher comme ça, non. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour faire le ménage, et éliminer les parasites. Les parasites, c'est comme les poules, les puces, etc., c'est eux qui vivent sur le dos des autres, ceux qui sucent le sang des travailleurs, la sueur. Santé, sociale, hôpital, plus de 1000 médecins prêts à démissionner. Plus de 1000 médecins hospitaliers, dont quelques 600 chefs de service, menacent de démissionner collectivement de leurs fonctions administratives si la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'engage pas de négociations sur le budget et les salaires de l'hôpital. Alors ça, c'était le mercredi 15 janvier 2020. Alors, est-ce que le schmilblick a beaucoup avancé depuis le 15 janvier ? Hein, sans doute un peu, oui, mais ça va pas vite quand même, hein. Ces gens qui sont au gouvernement, ils ont surtout la manie de mettre le pied sur le frein. L'accélérateur, ils connaissent pas, ils savent pas tourner le volant dans la bonne direction, ils savent pas accélérer quand il faudrait, hein. Ils savent juste mettre le pied sur le frein, voilà. Alors, moins sans alcool. Alors, j'avais peur de devenir vulgairement parlant alcoolique, dit un jeune. Eh oui, ben oui, c'est vrai que ça c'est un risque, hein. L'alcool, c'est une drogue à accoutumance qui fait beaucoup beaucoup beaucoup de ravages depuis très longtemps, notamment en France, pas seulement bien sûr, mais la France est quand même des pays les mieux placés si on fait un concours. Hein. Et puis évidemment toutes les répercussions qu'il y a sur le fonctionnement de la police, de la gendarmerie, de la justice, des prisons, des accidents de la route, des accidents du travail, des coups et blessures donnés aux voisins, à la voisine, à l'épouse, aux enfants, etc., etc. L'alcool fait beaucoup beaucoup de ravages, mais tous les gouvernements jusqu'à présent ont plus ou moins laissé courir le problème du tabac et le problème de l'alcool, parce que bon, le tabac, la CETA vendait gagnait 60-70% de taxes sur le tabac, hein, qu'on dépensait ensuite pour traiter les cancers, mais bon, ça s'est su qu'après, assez tard, enfin du moins on nous l'a dit assez tard. Et puis voilà. Alors en janvier 2018, l'université de Sussex a réalisé une étude auprès de 800 participants au mois sans alcool. 71% ont indiqué mieux dormir. Et j'ai ajouté en bas au crayon, et peut-être aussi mieux voter. Moins d'alcool, meilleur vote. Ouais. Le citoyen qui ne boit pas, qui ne picole pas, eh bien, peut-être qu'il vote mieux. Eh oui, voilà. Alors, Christophe Nejlen, député de la 3e circonscription des Vosges, il faut un système de retraite plus juste. Il faut une réforme plus juste qui tienne compte des spécificités et de la pénibilité de certains métiers. Tiens, quand je suggérais tout à l'heure de mettre Monsieur Macron sur la route avec un marteau pneumatique, hein, et porter des charges et subir des vibrations, respirer le goudron et d'autres produits, etc., etc., des métiers pénibles. Moi, je pense qu'avant d'être ministre, d'avoir un métier à responsabilité, il faudrait faire un mois dans l'industrie, un mois dans l'agriculture et puis un mois dans l'artisanat, par exemple. Hein, et chaque fois, faire des travaux relativement pénibles, de manière à bien s'en souvenir quand plus tard on serait ministre ou président de la République ou député ou sénateur, eh bien on agirait pour le mieux-être de l'ensemble de la population. Ah oui, parce que c'est nous qui les payons quand même, ces gens-là. C'est nous qui les élisons, souvent par erreur, hein, mais bon, les erreurs, on nous a induit en erreur, hein. Les journaux sont faits pour ça, par exemple. Les revues sont faites pour ça, les radios sont faites pour ça aussi, sauf les radios libres. Et puis, les télés, alors là, je vous dis pas, sur toute la bande de télé qu'il y a, il n'y en a pas beaucoup qui disent la vérité vraie, hein, ben oui. Alors, va-t-on vers une sortie de crise dans les transports, notamment? Aujourd'hui, la force syndicale est divisée en deux. Les réformistes qui sont prêts à arrêter la grève et ceux qui vont continuer car ils veulent le retrait de la réforme. J'entends les revendications, mais ce n'est pas le gouvernement qui est pénalisé. Ce sont les Français, les commerces, les travailleurs. Eh oui, les travailleurs, dont les grévistes. Parce que les grévistes, ils sont pénalisés pour se déplacer aussi, si les transports sont en grève. Et oui, ils sont pénalisés par leur propre action, et autant que les autres. Et puis ensuite, ben, ils perdent leur salaire. Ils perdent leur salaire. Alors quand on n'a déjà pas des gros salaires, eh bien, consentir à faire la grève et consentir à perdre une partie de son salaire, c'est quelque chose de, je dirais pas héroïque, mais ça y ressemble fortement. Hein? Oui, oui. Il faudra, je suppose qu'un jour, les grévistes, ils inventeront d'autres modes d'action qui leur coûtent moins cher et qui permettent d'obtenir un résultat plus vite, beaucoup plus vite. Ouais. Violence, grand malaise, 13 morts avec des armes non létales. Selon le site Bastamag, qui a recensé tous les décès survenus en lien avec les forces de l'ordre depuis 1977, 13 morts sont liés depuis 2012 à l'usage d'une arme non létale par la police, LBD, pistolet à impulsion électrique, grenade. Dans 3 cas, la justice a prononcé un non-lieu où l'affaire a été classée. Contrôle, 149 morts. En 43 ans, 149 personnes sont mortes en marge d'un contrôle d'identité, relate la publication. En 82, et 82 autres, pardon, ont trouvé la mort dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie lors de leur transfèrement après une interpellation. Rémi, Zineb, Steve, 3 décès ont eu lieu ces dernières années dans le cadre d'opérations de, entre guillemets, maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre. Rémi Fraisse, 21 ans, tué en 2014 par une grenade lors d'affrontements entre forces de l'ordre et opposants au barrage de Sivens. Zineb Redouane, 81 ans, morte en 2018, peu après avoir reçu un éclat de grenade lacrymogène alors qu'elle était à sa fenêtre quand passait une manifestation en Marseille, au quatrième étage. Hein, quatrième étage. Et Steve Maya Calisso, retrouvé mort, noyé, après l'évacuation houleuse d'un quai par la police lors de la fête de la musique de 2019 à Nantes. Alors tout ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans le journal. C'est écrit dans le journal. C'est le Vosges Matin du jeudi 16 janvier 2020. C'est écrit dans le journal. Eh oui, vous voyez, les radios libres, elles sont libres de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Semaine noire pour Ségolène Royal. Ah, vous voyez, il y a du lourd et puis il y a du moins lourd, voilà. Politique, polémique, semaine noire donc pour Ségolène Royal. Le torchon brûle entre la future ex-ambassadrice des pôles et l'exécutif. Ségolène Royal devrait être démise de ses fonctions le 24 janvier prochain. Une enquête a par ailleurs été ouverte par le parquet national financier sur l'ancienne ministre. Oui. Et où en est l'affaire Sarkozy, l'affaire Benalla, etc., etc. C'est toujours au point mort. Ah bon. Et des gens qui ont juste fait un pied de nez aux policiers et qui ont été arrêtés et qu'on a mis quasiment en prison aussitôt, là, la justice, elle va beaucoup plus vite. Eh oui, la mission locale, elle lave pas main dans la main. Alors, mission locale, ah bon, mission locale, ça me fait penser, vous savez, quand on était jeune, vous savez, les gens qui venaient à la messe, des messieurs gros, grands, avec une tonsure sur la tête, qui marchaient avec des sandalettes en cuir, sans chaussettes à l'intérieur, une grande robe blanche tenue par une corde nouée autour de la taille. Et c'était les missionnaires, ça s'appelait. Les missionnaires, ils allaient porter la religion aux quatre coins de l'Afrique. Hein, la mission locale, donc. La mission locale, elle lave pas main dans la main. Ah, main dans la main. Réunis dans les mêmes locaux depuis décembre dernier, la mission locale et l'AFPA forment désormais le village de l'emploi, le village de l'emploi et de la formation. Un renouveau pour les deux structures qui a permis de sauver une vingtaine d'emplois. Une vingtaine d'emplois de l'AFPA et de la mission locale. Eh oui, eh ben oui. Il faut bien commencement, hein. Voilà, on commence à sauver des emplois. Eh ben c'est bien ça. Si on sauve des emplois à Miremont, on va sauver des emplois un peu partout, et il y aura moins de chômeurs, donc les travailleurs auront plus de pouvoir d'achat, et les magasins vendront plus de marchandises, ils feront plus de chiffres d'affaires, et ils seront contents. Voilà. Ah oui, ben si on veut que les magasins puissent faire du chiffre d'affaires, ben il faut que les choses avancent, quoi. Hein. Alors, promouvoir une consigne acceptée par tous. Alors, ça, c'est les engagements de la Fédération de la plasturgie et des composites qui s'engagent. Alors, contribuer à l'objectif de 100% de plastique recyclé en 2025. On verra s'ils tiennent parole. Soutenir une dynamique de l'innovation et de la transformation industrielle. Et puis, ils veulent aussi lutter efficacement contre les rejets de microplastiques dans les milieux marins. Chiche. Allez, chiche. Chiche, chiche. Parce que on fait les gros yeux à un gamin qui jette un chewing-gum dans le caniveau, ou à un fumeur qui jette un mégot par terre, ou à quelqu'un qui met un coton-tige dans sa poubelle, hein. Mais les cargos qui traversent les océans en brûlant de grandes quantités de mazout lourd, riche en soufre, en phosphore et en d'autres saletés du même genre, ils travaillent, eux. C'est pas des pollueurs. Non. Alors, ils transportent des marchandises qui viennent de l'autre bout de la planète, qu'on pourrait très bien fabriquer ici, pour une bonne partie d'entre elles, dans les deux sens d'ailleurs. Bon, voilà. Hein, la profession d'avenir maintenant, c'est transporteur. Ah oui, bientôt en France, il n'y aura plus que des transporteurs. Vous avez remarqué, chaque fois qu'il y a une usine qui disparaît, eh ben, il y a un transporteur qui vient à la place. Voilà, ça fait des emplois. Ah oui, bon, ça fait... Enfin, bref... Trèfle de commentaires, disait l'autre. La CGT Énergie 88 prive le MEDEF de courant. Près de 650 personnes. Alors moi j'ai mis à côté point d'interrogation, un peu plus peut-être, je sais pas. Près de 650 personnes ont manifesté ce jeudi dans les rues d'Épinal au départ du MEDEF en haut de la rue Vitu jusqu'à la préfecture où une délégation a été reçue à 15h30. Le départ de la manifestation était symbolique. Et la CGT Énergie 88 a décidé de marquer le coup en privant le MEDEF de courant. Et oui, mais pourquoi ils produisent pas leur courant eux-mêmes, le MEDEF, quand il y a une grève? Tiens, eh oui, ils savent faire, ils savent travailler, non? Les patrons, c'est des gens qui savent travailler, voyons, allons. Nappe des GTI, un protocole d'engagement mis en place. Oui, bon, ben voilà, une restauration quantitative de la nappe des GTI à l'échéance 2027. Alors, je me suis permis d'ajouter un point d'interrogation. Voilà, la phrase se termine par un point ordinaire, je l'ai transformé en point d'interrogation. Parce que, voilà, j'ai tendance un peu à douter, voyez-vous, douter. Voilà, les nouveaux visages du terrorisme. Bon, alors que le gouvernement s'interroge sur le sort réservé aux combattants français de Daesh emprisonnés en Syrie et en Irak, la justice continue à juger les djihadistes présents en France, mais se pose déjà la question de ceux qui ont fini de purger leur peine.

Et pourtant, il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connues. Et donc, par exemple, sur les retraites. Sur les retraites, il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi. Hein, et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui font que... Bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc, au bas mot, on a... J'avais en tête aussi. Voilà. Au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, mais continuez. Mais alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Ben oui. 96, création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20, hein. Ouais. Élève Dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, j'ai pas présenté les autres, en fait. Non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même incroyable. On sait même pas qui est Gilles Raveau, là, pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, information que chacun peut vérifier sur Internet facilement. Et donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES... Elle dégagera 24 milliards. Mais oui, et oui. Jean-Louis Rey déclare... Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas les milliards de problème de financement des retraites, et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Oh là, oui. Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent. Les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Avec qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui. Qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre. Et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Mais... Demain, avec la dépendance, les amis des EHPAD qui se gavent et qui vous coûtent 2000 ou 3000 euros par mois, etc., on va avoir un énorme problème social qui va être la pauvreté, en fait, des vieux, des gens, des parents, les enfants qui vont devoir revendre la maison qu'ils ont mis 20 ans à acheter pour payer la dépendance de mamie, papy, etc. Donc c'est ça le vrai souci. Et je passe sur l'incroyable écart d'espérance de vie qui existe dans notre pays, étude de l'INSEE de 2017, 13 ans d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier qualifié et quelqu'un comme moi. C'est quand même des trucs énormes. Donc pourquoi on ne parle pas de ça et pourquoi on nous gave une fois de plus avec un problème monétaire qui, je suis désolé, n'existe pas. Gilles Raveau, hein, il est maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, journaliste à Charlie Hebdo, et il est l'auteur de... Thank you. Alors je sais que tu passes des vacances stupéfiantes, Clément. Tout à fait. Et tu t'es éclaté le soir du 31 à regarder les vœux d'Emmanuel Macron. Ah, j'ai passé d'excellentes vacances et j'ai quand même pris 18 minutes pour écouter l'événement rhétorique de ce début d'année. Les vœux d'Emmanuel Macron, ils étaient très attendus. C'est la première fois que le président de la République s'adresse directement aux Français depuis le début du conflit sur les retraites. Et alors, tu vas voir que ces vœux constituent une véritable rupture par rapport à ceux des prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Ce sont les troisièmes vœux que je vous adresse. D'habitude, c'est le moment du mandat où on renonce à agir avec vigueur pour ne surtout plus mécontenter personne à l'approche des futures échéances électorales. Nous n'avons pas le droit de céder à cette fatalité. C'est l'inverse qui doit se produire. Je prends ce soir devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste, plus humain. Voilà donc l'information importante de ses vœux. Emmanuel Macron annonce qu'il continuera à réformer dans la quatrième année de son mandat, contrairement à ses prédécesseurs. Alors moi, Mouloud, tu commences à me connaître, je suis parfois un peu tatillon, donc j'ai été vérifié. J'ai été retrouver les troisièmes vœux de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et effectivement, ils annonçaient très clairement renoncer à toute réforme. Mais à mi-parcours, nous sommes sur la bonne voie. Et je demande au gouvernement de continuer et d'amplifier ses efforts. Il nous reste encore bien du travail. En 2010, il va nous falloir faire reculer le chômage et l'exclusion, réduire nos dépenses courantes pour nous permettre d'accroître nos dépenses d'avenir, consolider notre système de retraite, dont j'ai le devoir d'assurer la pérennité financière. La France est donc capable de se transformer. Et je sais que vous y êtes prêts. Et c'est ce que nous allons faire encore en 2015. D'abord avec la loi que va présenter le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Voilà. Donc, Emmanuel Macron fait dire à ses prédécesseurs exactement l'inverse de ce qu'il disait pendant leur troisième vœu. Alors, la question c'est, pourquoi fait-il ça? Eh bien, parce qu'il s'apprête à adresser un message très fort à ses auditeurs sur la réforme des retraites. Il ne reculera pas. Or, il y a une règle classique en rhétorique. Il semble toujours plus acceptable de poser un acte fort quand on l'oppose à un contre-modèle. Si tu dis « j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte », tu passes pour un franc-tireur. Si tu dis « je ne ferai pas comme tous ceux qui ont abandonné, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte », tu passes pour un héros. Le problème, c'est que comment tu fais pour dire cela si tu n'as pas sous la main de contre-modèle? Eh bien, c'est simple. Tu l'inventes, c'est une vieille combine rhétorique, ça s'appelle la stratégie de l'épouvantail, on la trouve aussi sous le nom de stratégie de l'homme de paille. Mmh. C'est un sophisme, un raisonnement fallacieux, qui consiste à exagérer, voire à inventer la position d'un adversaire, afin de pouvoir la réfuter aisément. Alors, on a une entrée en matière tonitruante de la part du président de la République, la suite du discours était beaucoup plus classique, Emmanuel Macron se contente de rappeler les piliers de sa réforme et d'annoncer qu'il ne cédera pas. Oui, mais dans ce cas, que fait-il des 55 à 75% de Français qui, selon les sondages, lui demandent de réviser, voire de retirer sa réforme? Eh bien, regarde, il les a entendus. J'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire. Je mesure aussi combien les décisions prises peuvent parfois heurter, susciter des craintes et des oppositions. Voilà donc, Emmanuel Macron nous explique que s'il y a des Français qui sont contre sa réforme, c'est parce qu'ils sont inquiets, angoissés, qu'ils se sentent bousculés, heurtés, qu'ils cèdent à leurs craintes. Bref, on a un discours saturé par le champ lexical de la peur. Ce que cela signifie, c'est que pour Emmanuel Macron, les seuls motifs qui permettent de s'opposer à sa réforme sont émotionnels. C'est-à-dire qu'ils sont irrationnels. Si tu es contre la réforme des retraites, c'est que tu es gouverné par tes émotions. C'est parce que tu as peur. En revanche, Si tu es un homme ou une femme de raison, alors tu dois être pour la réforme. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la psychologisation du débat public. Ou une disquette aussi. On peut le dire autrement, mais ça revient à peu près à la même chose. Moi, ça me semble effectivement très problématique. Il faut rappeler que la politique, c'est toujours une affaire de choix. C'est toujours une affaire de choix entre plusieurs options légitimes qui reposent sur des hypothèses différentes, des valeurs différentes, qui ne font pas forcément les mêmes gagnants, pas forcément les mêmes perdants, mais toutes peuvent se soutenir. Alors, qu'on me comprenne bien, la réforme, on en pense ce qu'on veut. En revanche, pour 2020, si l'on peut formuler un souhait, c'est celui que le gouvernement cesse de disqualifier ceux qui ne pensent pas comme lui et accepte qu'on puisse être tout à la fois rationnel, responsable et rétif à sa réforme. C'est lui en même temps. C'est lui en même temps. Mais pour le peuple. Exactement. Merci Clément. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'au vent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Bonsoir à tous, bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Merci d'être notre invité dans Toute Franchise. Merci à vous. Première question, est-ce que c'est le quinquennat qui se joue en ce moment? Je ne sais pas si c'est le quinquennat, mais en tout cas c'est un moment très important. Vous savez, les retraites, c'est la mère de toutes les batailles, surtout en France, puisque la France a un modèle social qui est tout à fait particulier, singulier, qui s'est construit notamment sur une institution qui est la sécurité sociale, cette grande invention qui veut que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et les Français sentent bien que lorsqu'il est question des retraites, il est question de beaucoup de sujets en réalité, de la situation de l'emploi, de l'espérance de vie. Et les gens veulent savoir, après une vie de labeur, à quelle sauce ils vont être mangés, c'est-à-dire à quel âge vont-ils partir à la retraite, avec quelle somme. Ce sont des questions fondamentales. Et puis surtout, la retraite, c'est un autre âge de la vie. On a souvent l'impression, depuis des mois que le gouvernement en parle, d'avoir affaire finalement à un dialogue entre des tableaux Excel et des calculatrices, comme si la retraite finalement se résumait à un exercice comptable. Non, bien sûr, il y a la question de comment on finance derrière, mais il y a d'abord et avant tout quelle idée on se fait dans un grand pays comme la France de ce que doivent être les vieux jours de sa population. C'est essentiel. Donc là, j'observe que depuis maintenant quelques semaines, plus les Français se penchent sur la question, plus ils soutiennent le mouvement. Et je crois que petit à petit, les arguments du gouvernement, l'alibi de l'universalité, on va en parler, sont en train de tomber et que les gens voient que cette réforme, la réforme de M. Macron, va faire perdre un maximum de monde et que plutôt que de dire que c'est la réforme de quelques régimes qui seraient concernés, elle va concerner tout le monde. Et comparativement au système actuel, elle ne fera que des perdants, et donc les gens le comprennent. On va entrer dans le détail, mais je retiens quand même quelques mots. Dans vos rangs, on parle de point de bascule, de date dans l'histoire sociale du pays. Ça sent le roussi, même pour Emmanuel Macron, ai-je lu ou encore entendu. Vous espérez faire vaciller le pouvoir en ce moment ? Alors, d'abord dire une chose. Je crois qu'on rendrait service à ce gouvernement si on se déportait sur d'autres sujets que celui où se situe la bataille à l'heure où l'on se parle. Évidemment, en France, vous avez une multitude de colères. Ça fait longtemps que ça dure. On a vu le mouvement salutaire des Gilets jaunes depuis plus d'un an sur les questions de justice fiscale, de souveraineté populaire. On sait que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, loin d'amener la prospérité qu'il avait promise en disant « on va donner à ceux qui ont le plus, vous allez voir, toute l'économie va en bénéficier », le résultat en deux ans et demi, c'est que les 0,1% les plus riches ont gagné 23 000 euros de plus pour eux par an alors qu'ils n'avaient rien demandé. Pendant que la pauvreté atteignait un record dans le pays, la situation est donc celle d'une souffrance, d'une chape de plomb qui s'est emparée du pays. Et donc vous avez une multitude des colères. Vous espérez que cette séquence-là, elle change la donne du quinquennat ? Cette séquence-là, en tout cas, doit se jouer sur une chose. Il faut que le gouvernement retire sa réforme des retraites. Alors je sais qu'il y a 1000 sujets qu'on pourrait mettre en circulation dans la période parce qu'Emmanuel Macron a justement catalysé toutes ces colères qui sont bien différentes. L'état de nos services publics, le retard que l'on prend en matière écologique. Il y a plein de sujets. Mais là, à l'heure où l'on se parle, immédiatement, et même s'il appartient au mouvement social de dire quelle direction il veut prendre, il y a un objectif précis, clair à atteindre. C'est que le gouvernement retire son projet de réforme par point. C'est la seule issue, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de mi-chemin, retirer, c'est tout. Écoutez, Amélie Carwer, dès l'instant où les deux objectifs centraux du gouvernement, c'est 1, la mise en place d'un système par point, 2, le fait de contenir la part des richesses consacrées aux retraites, c'est-à-dire en rupture avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Moi, je veux insister là-dessus. Jusqu'à présent, ce qui a fait que le modèle a plutôt fonctionné, parce que vous savez que le modèle de la sécurité sociale, s'agissant des retraites, il a plutôt répondu à sa promesse jusqu'à présent en France. Comparativement à nos voisins européens, le taux de pauvreté des seniors est bien plus bas en France, du fait de ce modèle redistributif basé sur la solidarité entre les générations. Alors certes, il a été atteint durement par les dernières réformes libérales qui vont faire que dans les prochaines années, si l'on ne fait rien, ça va se dégrader. Raison pour laquelle, moi je vous le dis, si je conteste la réforme d'Emmanuel Macron et que je souhaite son retrait, je ne défends pas pour autant, et on en parlera aussi, le statu quo. Mais oui, il n'y a pas d'autre issue que le retrait. Enfin, le système par points n'est pas un système adapté au modèle social français, surtout lorsque l'objectif de ce gouvernement est de contenir les dépenses consacrées aux retraites. On va en parler encore une fois, mais Édouard Philippe, il le dit encore dans le JDD aujourd'hui, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Eh bien, Amélie Carwer, Édouard Philippe vous dit « j'irai jusqu'au bout ». Les salariés de ce pays, et j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux, vous avez vu que les Français, à mesure que l'on parle de la réforme des retraites, à mesure que l'on rend ça aussi plus compréhensible, parce que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que les gens n'y comprennent rien, il a passé son temps à nous dire « rassurez-vous, rien n'est décidé, rien n'est décidé ». Et on arrivera à l'Assemblée nationale en train de voter le texte, qui nous diront encore « rien n'est décidé ». En réalité, vous savez, quand c'est flou, il y a un loup. Depuis quelques semaines, on essaye les uns les autres de faire beaucoup d'efforts pour rendre ça extrêmement compréhensible, parce que finalement, pas besoin d'attendre tous les arbitrages pour comprendre ce qui va se produire. Et on voit que depuis 15 jours, à mesure que les Français s'intéressent au sujet, eh bien, ils vont plutôt dans le sens d'un soutien à cette mobilisation. Vous pensez que le gouvernement entretient sciemment le flou. Est-ce que vous iriez même à dire, puisqu'on voit beaucoup d'informations contraires, que dire que le gouvernement ment aux Français ? S'il s'agit de dire que l'objectif du gouvernement est l'universalité et l'égalité, oui, c'est un mensonge. D'ailleurs, on va s'arrêter du coup, là c'est un peu technique, mais qui peut penser raisonnablement qu'Emmanuel Macron et ce gouvernement soient soucieux d'universalité ? Qui peut penser que le gouvernement, dont la première pierre posée lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, a consisté à casser le code du travail, qui pour le coup est une règle commune, pour faire en sorte que tout se négocie entreprise par entreprise, c'est-à-dire justement qu'il n'y ait plus d'universalité et que tout se discute à géométrie variable. Qui peut donc penser que ce gouvernement se réclamerait de l'universalité ? Non, l'universalité, c'est le verre d'eau pour faire passer la pilule. Emmanuel Macron fait ce pari hasardeux que la jalousie des Français entre eux serait supérieure à l'aspiration à partir à un âge décent avec un bon niveau de pension. Je crois qu'il se trompe. Je veux vous dire quel est l'objectif du gouvernement. L'objectif est le suivant. Jusqu'à présent, dans le modèle de la sécurité sociale, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on a toujours augmenté d'autant les richesses consacrées aux retraites. Eh bien, c'est en rupture avec cela qu'Emmanuel Macron se situe, puisqu'il dit, et M. Delevoye l'a rappelé, le niveau actuel de la part des richesses consacrées aux retraites sera un plafond. Donc ça veut dire que compte tenu des projections démographiques, il va y avoir un décrochage entre la part des seniors et la part des richesses. Pour être moins technique et plus compréhensible, c'est comme si vous, Amélie Carouer, dans quelques semaines, quand il va s'agir des fêtes de fin d'année, vous allez peut-être recevoir des convives chez vous. Vous cuisinez un gâteau, puis finalement vous avez toujours plus de monde qui arrive à table, il y a plus d'invités que prévu, et vous leur dites « je ne cuisinerai pas un plus gros gâteau ». C'est ce que fait Emmanuel Macron. Et donc le système par points ne permet qu'une chose, Amélie Carouer, c'est de couper de toujours plus petites parts de ce même gâteau. Et vous parlez du PIB, plafonné à 14%, vous dites dans vos rangs qu'on pourrait aller plus loin dans cette part consacrée aux retraites dans le PIB, 16%, 19% disent certains, mais le PIB, il augmente, sa croissance naturelle, c'est plus 1,5% chaque année, et ça permet d'absorber 150 000 retraités par an de manière naturelle. Alors ça, c'est extrêmement technique, mais dans votre raisonnement à l'instant, vous raisonner en euros actuels. Mais la question posée dans 10, 20, 30 ans, c'est pas quel sera le montant de votre pension en valeur euro 2019. La question, c'est bien non pas celle de l'augmentation du PIB en tant que tel en valeur, c'est bien la question de la part de ce PIB, la part des richesses que l'on consacre à la question des retraites comparativement à la part des seniors dans la population active. Pour revenir à cette métaphore du gâteau, si vous dites « je ne cuisine pas un plus gros gâteau », alors que je vous rappelle que c'est ce qu'on a toujours fait. Jusqu'à aujourd'hui, le modèle, ce qui a fait son succès, c'est qu'à mesure qu'il y avait plus d'invités à table, pour filer la métaphore, on a toujours dit, consacrons une part plus importante de nos richesses aux retraites. Là, Emmanuel Macron dit non. Mais d'ailleurs, pourquoi dit-il non ? C'est intéressant de s'y pencher. Vous allez parler de la capitalisation. Évidemment, mais regardez, ce qui va se passer, c'est que comparativement au système actuel, si on coupe des plus petites parts, la conséquence concrète dans la vie des gens, parce que c'est ça qui intéresse les gens qui nous écoutent, Amélie Carouer, c'est à quelle sauce ils vont être mangés après leurs années de travail. C'est finalement travailler toujours plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension ou, si vous ne le voulez pas, compléter le modèle par répartition qui va devenir indigent par les retraites par capitalisation. Et regardez, et vous pouvez le vérifier, et tous ceux qui nous écoutent peuvent le vérifier, comme depuis quelques semaines, pullulent dans les médias audiovisuels, mais aussi dans la presse papier, les publicités pour les systèmes par capitalisation. Pas plus tard que la semaine prochaine, j'avais une matinale chez un de vos confrères sur le sujet des retraites. Avant mon interview, 4 publicités, Amélie Carouer. Sur les 4 publicités, 3 pour les retraites par capitalisation. Vous avez lu cette semaine, vous avez dit que le gouvernement cherchait à faire les poches des 300 milliards d'euros de la sécurité sociale pour aider le privé. Vous pensez que le gouvernement fait tout ça pour aider le privé, pour aider les entreprises, évidemment, les assurances à se mettre Amélie Carouer, vous pensez le contraire ? Vous pensez que le gouvernement est bienveillant et qu'il veut, comme il dit, sauver le système par répartition ? Non. Pour ces gens-là, pour ceux qu'ils servent, qu'il y ait 300 milliards d'euros, parce que c'est à peu près ce que ça pèse dans le budget de la sécurité sociale, les retraites, 300 milliards d'euros qui sont en France entre les mains des travailleurs qui décident de ce que l'on en fait. Vous savez, pour la finance, c'est insupportable avoir un tel magot disponible. Ça fait des décennies qu'on essaye d'assurer un transfert des richesses de la sécurité sociale vers le privé. Emmanuel Macron, d'ailleurs, sur bien d'autres sujets, y a largement contribué. Donc oui, d'ailleurs, regardez, lisez la presse, vous allez voir. Les assureurs, les banques se réjouissent de l'instauration de cette réforme des retraites. Car oui, effectivement, comparativement au système actuel, ce qui va se produire, c'est qu'il faudra travailler toujours plus longtemps et que le niveau des pensions va baisser. Qu'on soit très clair là-dessus, c'est vraiment ce qui va se passer. Alors, si on garde le régime actuel, les pensions vont baisser. Aussi, c'est vrai. Alors, d'abord, première chose, le système actuel a fonctionné, comme je l'ai dit, parce qu'on a toujours consacré plus de parts de richesse à mesure qu'il y avait plus de parts de seniors. Emmanuel Macron rompt avec cela. Mais vous avez raison de dire que si l'on ne fait rien, pas immédiatement, d'ailleurs on le sait, le Conseil d'orientation des retraites l'a montré, il n'y a pas péril en la demeure du point de vue du système actuel. Pour autant, oui. Il dit qu'il manquera 17 milliards d'euros. Oui, à horizon quelques décennies. Péril mais en la demeure. Regardons une chose surtout. Pourquoi y a-t-il péril en la demeure ? Parce que depuis 20 à 30 ans, si vous regardez toutes les réformes libérales qu'il y a eu, elles ont mis des coups de canif pas possibles dans ce système de sécurité sociale. Et donc oui, effectivement, si l'on ne fait rien, dans quelques années, il y aura un problème et le niveau des pensions chuterait de plusieurs dizaines de pourcents. On peut même aller dire jusqu'à 26% à peu près. Donc moi, je suis d'accord pour dire qu'il va falloir réformer. Mais la question est, que voulons-nous faire ? Emmanuel Macron, en quelque sorte, a lui un objectif comptable. Si vous lui posez la question à M. Macron... Il vous répondra que c'est aussi pour plus de justice et que le système actuel n'est pas assez équitable. Alors, bon... D'abord, dire une chose, c'est que le système actuel a plutôt répondu à ses promesses. On parle beaucoup des régimes spéciaux. Amélie Carrouer. Mais les régimes spéciaux dans la population active, ça ne concerne que 3% de la population active. Moi, je le dis à votre micro ce soir, les 97 autres sont aussi concernés par cette réforme des retraites. On ne les réforme pas, les régimes spéciaux ? J'y viens. On ne touche pas à la RATP, à la SNCF ? On va en parler, mais vu que je veux m'assurer d'être clair, je veux répondre à votre question précédente. Emmanuel Macron, son objectif est d'abord comptable. À la question « Monsieur Macron, que voulez-vous pour nos vieux jours ?», lui vous répond « Ne pas consacrer une part plus importante de richesse aux retraités ». C'est son objectif. Son système par points permet donc d'assurer cet objectif de manière quasi automatique. En quelque sorte, si dans votre génération, l'espérance de vie augmente, la valeur du point ou du coefficient de conversion, c'est un peu technique, baissera. C'est-à-dire plus vous serez nombreux, plus on vous coupera des parts plus petites. Ça, c'est l'objectif Emmanuel Macron. Et si vous n'êtes pas content, vous irez compléter avec les retraites par capitalisation. D'ailleurs, même pour ceux qui ont des hauts revenus, vous avez vu qu'il a baissé leur taux de cotisation pour leur dire en quelque sorte déserter le modèle par répartition et vous qui avez les moyens, partez à la capitalisation. Mais c'est au-delà de 120 000 euros. C'est au-delà de 10 000 euros par mois, ça ne concerne pas beaucoup de monde dans ce pays, vous avez raison, mais néanmoins c'est un appel d'air pour eux et c'est un message qui est très clair du point de vue de l'intention du gouvernement. Ça consiste à leur dire, vous qui avez les moyens, arrêtez de vous embêter avec ce modèle de la sécurité sociale, partez à la capitalisation. Alors attendez, là j'ai expliqué ce que voudrait faire Emmanuel Macron. Un objectif comptable dont la variable d'ajustement est la vie des gens. Parce que pour assurer son objectif comptable, la variable, c'est l'âge auquel vous partirez avec un bon niveau de pension ou tout simplement le niveau de vos pensions. Moi, je voudrais, Amélie Carrouer, qu'on retourne le problème. À la question posée, quel est ce que l'on se fait comme idée de ce que doit être la vie de nos seniors ? Moi, je réponds, Amélie Carrouer, partir à un âge décent. 60 ans et 40 annuités, c'est votre projet. Et avec un niveau de pension celui que vous digne. Allez mettre sur la parce que l'espérance de vie en bonne santé à Amélie Carrouer est de 63 ans dans notre pays. Oui, mais on est aussi dans l'OCDE, le pays où on profite le plus longtemps de la retraite. Je m'arrête sur votre projet. Alors, c'est mal ? Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, je donne juste des informations. C'est extrêmement sur positif. Votre projet, la politique, c'est ça, normalement, question, c'est d'améliorer la vie des gens. Comment vous le financez ? Vous, alors, votre projet, vous allez me parler certainement des cotisations des pas entreprises. Oui, mais alors, si on s'arrête sur ce point, il faut toucher aux cotisations des entreprises, demander plus à ces entreprises. D'abord, peut-être vous dire ce que je veux qu'on puisse faire, parce que vous avez dit partir à 60 ans. Effectivement, moi, je vous le dis, ce serait partir dès 60 ans, si possible, avec un niveau de pension digne, c'est-à-dire votre niveau de vie ne doit pas chuter lorsque vous partez en retraite. 40 annuités, donc, pour une pension complète. Je souhaiterais, effectivement, et nous proposons avec la France Insoumise, que pour une carrière complète, aucune pension ne soit inférieure au SMIC et que même pour une carrière incomplète, aucune pension ne soit sous le seuil de pauvreté. Parce qu'Amélie Carrouer, sous le seuil de pauvreté, on ne vit pas, on survit. Et même par exemple, pour les carrières hachées, on pourrait par exemple avoir cet objectif que les trimestres au RSA soient comptabilisés dans votre retraite. Parce que vous savez que le travail est extrêmement précaire et que la politique d'Emmanuel Macron précarise encore le travail. Et je termine de dire que la pénibilité doit être reconnue à plus de métiers. Alors ça aussi, le gouvernement le met sur la table dans les pistes. On en reparlera certainement. Comment vous financez votre projet de réforme à vous ? Est-ce que vous allez en demander plus aux entreprises ? Les cotisations des entreprises, certaines, ne peuvent pas donner plus. D'abord, moi, je me garderai bien de résumer et de dire l'entreprise. Parce que le terme l'entreprise charrie des choses extrêmement différentes selon qu'on parle des grandes entreprises, des petites PME, des artisans, des commerçants. À qui vous demandez l'effort ? Alors d'abord dire une chose, oui, pour avoir cet objectif d'améliorer la vie des gens et de permettre de partir avec un bon niveau de pension à un âge décent, si l'objectif est celui-ci, contrairement à M. Macron qui lui a un objectif comptable, la variable d'ajustement pour nous doit être effectivement le fait de cuisiner un plus gros gâteau. Mais comme ça a toujours été fait, Amélie Carrouer, de consacrer une part plus importante des richesses aux retraites. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, c'est l'inverse, il fait de la variable d'ajustement votre niveau de vie et l'âge auquel vous partirez en retraite. Donc comment on finance donc ? Première chose, effectivement, réhabiliter la cotisation sociale pour ce qu'elle est, Amélie Carrouer. Juste avant, sur ce plateau, il y a eu un discours extrêmement inverse. On parlait beaucoup des charges. En réalité, dire une chose, quand Emmanuel Macron vous dit « En baissant votre cotisation sociale sur votre salaire, j'augmente votre pouvoir d'achat », il vous ment. La cotisation sociale, c'est une part de votre salaire, en quelque sorte. Si on baisse vos cotisations sociales, certes, vous avez un gain immédiat sur votre salaire net de quelques dizaines d'euros. Mais vous devez savoir que derrière, c'est moins de retraite, c'est moins de santé. C'est la situation que l'on connaît de l'hôpital public et de ses budgets, etc., etc. Et toutes les projections économiques, et ce n'est pas le corps qui nous démentira, le Conseil d'orientation des retraites, Amélie Carrouer, montre que à moyen-long terme, on peut augmenter le salaire net et les cotisations pour financer nos retraites. Augmenter les salaires, c'est aussi avoir des cotisations supplémentaires. Imaginez qu'on augmenterait rien que de 1%, ce qui est très peu, les salaires, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus. Quand à la France Insoumise, on vous parle de vraiment relancer l'activité dans ce pays pour que le travail cesse d'être précaire et qu'on ait de grands objectifs. 100 000 emplois créés, c'est 1,3 milliard de cotisations. Ça, c'est pour les salaires. L'écart des salaires entre les femmes et les hommes, Amélie Carrère, dont on conviendra qu'il est inacceptable, c'est 20% d'écart de salaire à travail égal. Si on mettait fin à cela, on pourrait dans les caisses immédiatement régler le problème pour tout de suite, si vous voulez. Je voudrais aussi vous entendre. Pas tout, hein, sur le filet financement. Je voudrais terminer parce que là, je suis pas complet. J'ai encore deux choses à vous dire. La deuxième chose, après avoir parlé des cotisations, c'est effectivement les revenus du capital. Alors, les revenus du capital, le CAC 40. Mais enfin, vous voyez bien que depuis les années 80 et depuis l'introduction en bourse, etc., il y a une part considérable de la richesse produite qui est allée des poches des travailleurs vers les poches du capital. Amélie Carrère, la richesse produite, c'est un stock. Et la question posée est celle de sa répartition. Alors sur aujourd'hui, en France, vous avez 67%. J'ai des chiffres à vous montrer. Oui. Ça alimente le débat. C'est pas inintéressant. Allons-y. Une étude qui est sortie qui montre que sur les 373 milliards en 2018 de revenus du CAC 40, une majorité a été reversée aux salariés ou à l'État et 36 milliards, la plus petite partie, aux actionnaires. La valeur... Et vous allez demander plus au CAC 40 avec les risques que ça comporte de les voir partir, non, avec non, les non. conséquences. Personne ne partira. Amélie Carrère, d'abord dire une chose, la répartition de la richesse produite aujourd'hui, c'est à peu près 67% pour le capital, 25% pour les investissements, ce qui est beaucoup trop peu compte tenu des défis considérables que l'on doit relever, par exemple la planification écologique qui va nécessiter qu'on investisse beaucoup, et c'est à peine 5% pour les salaires. Et avec de tels niveaux de salaire d'ailleurs, on ne relance pas l'activité d'un pays. Donc, dire une chose, un salarié français aujourd'hui travaille à peu près 45 jours par an, Amélie Carrère, pour rémunérer les actionnaires. C'était 9 jours par an dans les années 80. Alors que dans l'intervalle, vous le savez, on produit beaucoup plus vite qu'avant, on produit beaucoup plus et la productivité des Français est parmi la meilleure de toute l'Union européenne. Un salarié français aujourd'hui produit en moyenne 3 fois plus que dans les années 70. Donc oui, il y a une question de répartition de la valeur et de répartition de la richesse produite à travers la question des retraites. Et c'est vraiment essentiel de pouvoir le dire. Donc on doit pouvoir mettre aussi à contribution les revenus du capital pour pouvoir financer des améliorations sur les retraites. Je voudrais vraiment prendre le temps de vous interroger sur les régimes spéciaux. Vous dites que c'est 3%, mais ça bloque une partie des Français en ce moment, ça intéresse. Les régimes spéciaux, est-ce qu'il ne faut pas malgré tout, malgré votre opposition à cette réforme, en changer le statut ? Les Français sont pour changer le statut de la RATP, de la SNCF. On garde les choses telles quelles ou pas ? Mais écoutez, le gouvernement, il a beaucoup parlé de ces régimes spéciaux et d'ailleurs... Puisque vous convenez avec moi que ça pèse assez peu dans la part de la population, vous conviendrez que dans le débat public sur la question des retraites, ça occupe une place qui est bien plus importante que le poids que ça pèse dans la population. Pourquoi ? Parce que tout ce que je viens de vous raconter sur l'objectif du gouvernement, est-ce que ça va produire sur le fait qu'il faut travailler toujours plus longtemps pour avoir le même niveau de pension ? C'est inacceptable pour une majorité de Français, raison pour laquelle ils sont mobilisés. Donc le gouvernement a trouvé une astuce, c'est de dire, allez, pour leur faire avaler cette pilule, on va jouer... L'égalité, l'universalité. Amélie Carrère, d'abord, l'émergence d'un système par points qui ferait que tout le monde partirait d'une même ligne de départ n'est pas par nature égalitaire. Songez que dans ce pays, selon que vous êtes un cadre ou un ouvrier, vous avez 6 années d'écart d'espérance de vie de différence. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, c'est 13 années. Donc le fait que tout ce petit monde part d'une même ligne de départ ne va rien améliorer. Ensuite, je vous réponds sur les régimes spéciaux. On les laisse tels quels. Écoutez, tous ceux qui en bénéficient aujourd'hui, on signait un contrat avec la nation qui consistait à dire, pour l'essentiel d'entre eux, moyennant des conditions de travail différentes, parfois pénibles, ou moyennant un salaire plus bas, je partirai en retraite plus tôt. Édouard Philippe a dit dans son allocution vendredi qu'il comprenait qu'on ne puisse pas changer les règles du jeu en cours de partie. Ça me semble être une évidence, mais au-delà de ça, que faisons-nous après ? Moi, je vous lis ce que je souhaite faire. Je souhaite que la pénibilité et sa reconnaissance soient étendues, en quelque sorte. C'est-à-dire que sur la base de critères clairs de pénibilité, par exemple, je prends un exemple, les infirmières dans ce pays, on ne considère pas qu'elles portent des charges lourdes, mais pensez que dans les EHPAD, par exemple, quand on s'occupe de personnes âgées, ce sont des masses considérables qui sont portées quotidiennement. Eh bien moi, je serais pour qu'on l'étende la reconnaissance de la pénibilité à d'autres professions et que cette reconnaissance de la pénibilité permette de partir en ayant des trimestres supplémentaires si, pour exemple, sa retraite. Si, par exemple, le gouvernement qui met la réforme sur la table mercredi midi avance ce genre de piste, ça peut changer la donne pour vous ? Vous pourriez faire baisser la pression ? Non, Amélie Carrère, pour que l'on fasse baisser la pression, il faut que le gouvernement cesse avec son objectif réel. Je voudrais que soit entendu sur ce plateau ce soir que l'universalité dans la bouche de M. Macron, c'est de la pipe, pour reprendre son expression à lui. M. Macron, c'est celui qui a cassé le code du travail, justement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette règle universelle, mais faire en sorte qu'on négocie tout entreprise par entreprise. Et d'ailleurs, vous allez voir dès mercredi ce que va faire Édouard Philippe. Comme leur objectif central n'est pas l'universalité, dont ils se fichent considérablement, mais de faire passer cette idée que l'on ne consacre pas plus de richesses, pas plus de parts de richesses aux retraites, ils vont essayer de s'arranger profession par profession. Ils ont d'ailleurs commencé à le faire. Enfin, regardez M. Castaner la semaine dernière qui a dit « le régime spécial des policiers sera maintenu, M. Blanquer, etc. etc. » Mais vous ne réjouissez pas des revalorisations annoncées? Mais bien sûr que je me réjouis, encore faut-il les voir concrètement, d'accord? Parce que, y compris... Vous ne croyez pas au gouvernement, quoi qu'il dise. Si, je le crois. M. Darmanin la semaine dernière a annoncé à peu près la somme en millions qui serait allouée à la revalorisation des salaires des professeurs. Ouais. Vous regardez ce que ça fait compte tenu des effectifs, c'est 30 à 40 euros de plus. Moi, j'attends de voir ce que ça produit et surtout en quoi ça améliore considérablement la situation des retraites. Je vous le redis, l'objectif de ce gouvernement, c'est de faire en sorte, une bonne fois pour toutes, que l'on arrête de consacrer une part plus importante des richesses aux retraites. Et donc, il est prêt à tout, et y compris à jouer de cette idée de la jalousie entre les Français pour le faire passer. Mais vous allez voir, va apparaître mercredi. J'anticipe sur les annonces d'Edouard Philippe. Vous allez voir que mercredi, quand Édouard Philippe va parler, puisqu'ils ne renonceront pas à cet objectif réel, il va faire toutes sortes d'ajustements. Il va, vous allez voir, parler profession par profession. C'est eux qui, dès mercredi, en fait, vont, en quelque sorte, instaurer une multitude de régimes spéciaux nouveaux. Vous allez voir, ils vont, pour faire passer la pilule, en rabattre sur l'objectif de l'universalité. Parce que ça n'est pas leur but, vous comprenez? Ça n'est pas leur objectif. Alors, c'est un mensonge de considérer que le but est l'universalité. On comprend, c'est que quoi qu'il se passe mercredi, vous appelez à maintenir la pression au-delà. Non, pas quoi qu'il se passe. Sauf si le gouvernement annonce le retrait, et ce ne sera pas le cas. Mais attendez, pourquoi? Vous y croyez? Mais pourquoi est-ce que ce gouvernement ne pourrait pas, une fois, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, faire le pari de l'intelligence? Non, la France, son modèle social, une république sociale, basée sur la sécurité sociale, ne souhaite pas que l'on affaiblisse ce modèle et que l'on en passe au système par capitalisation. Non, contrairement à ce qui est leur conclusion fondamentale, qui consiste à dire qu'il faut travailler plus longtemps, parce qu'Emmanuel Macron nous dit ça, c'est la conséquence directe de l'instauration de cette réforme, c'est qu'il faudra travailler beaucoup plus longtemps. L'âge de pivot de 64 ans dont il a beaucoup été question, en fait, c'est que pour la génération de 63. Moi, j'ai regardé, par exemple, pour la mienne, Amélie Carouer, celle qui est née en 1990. Ça va nous amener, nous, pour atteindre l'âge d'équilibre, à travailler jusqu'à 66 ans et demi. Moi, vous savez, avant d'être député, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique. Je répondais à des appels du matin au soir. Je pense à mes collègues. Je nous vois mal être conseiller clientèle et décrocher toute la journée jusqu'à 66, 67. Je vois mal des professeurs de 67 ans. Je vois mal des pilotes de ligne de 68. Vous, au-delà de mercredi, vous appelez à un mouvement de colère qui soit un peu similaire à celui des Gilets jaunes, qui a eu en réalité bien au-delà de la question de la réforme des retraites. En fait, c'est ça ce que vous appelez de vos voeux? Le mouvement social dira quelle suite il souhaite donner à l'affaire. Moi, je pense que là, ce qui est bien engagé, c'est qu'on est sur les retraites, que les arguments circulent, qu'à mesure que les Français s'y penchent, ils comprennent mieux sur un sujet qui est complexe. Et moi, j'espère, à mon modeste niveau, et qu'on soit d'accord ou pas avec mes arguments, que mes explications contribuent à ce qu'on comprenne mieux. Ce que je vois, c'est que depuis 3 semaines, quand les Français s'y penchent, ils comprennent et, comprenant, ils soutiennent la mobilisation. L'objectif, c'est le retrait. Et ce gouvernement, pour une fois, qui a utilisé beaucoup d'arrogance, qui a utilisé la répression sur un tas d'autres sujets depuis maintenant plusieurs années, s'honorerait de retirer cette réforme. Alors, parce qu'on peut faire autre chose. Je vous l'ai démontré, on peut. Alors, donc ça n'est pas acceptable. Et oui, l'objectif, c'est le retrait. Et moi, je crois qu'il faut rester sur cet objectif pour ne pas diluer les mots d'ordre. Il y a un syndicat qui n'est pas dans l'intersyndicale, pour le moment en tout cas de mardi, c'est la CFDT qui n'a pas quitté la table des discussions. Vous qualifiez comment l'attitude? Le placement de la CFDT de Laurent Berger en ce moment? Et moi, il ne m'appartient pas de commenter les décisions syndicales. Si j'avais Laurent Berger en face de moi, j'aurais l'occasion d'une discussion. Vous savez, dans la question des retraites, Amélie Carouer, il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort. Sans doute personne a raison, personne a tort. Ce sont des modèles qui se confrontent, des visions de la vie qui ne sont pas les mêmes, je vous l'ai expliqué. D'un côté, ceux qui poursuivent des objectifs comptables, d'autres, certains qui veulent soulager la vie et qui font la démonstration qu'on peut le faire et que ça peut être positif. Et puis surtout, moi, j'interroge, à l'instant, je vous disais, M. Macron veut qu'on travaille plus longtemps. Il dit, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Mais vous le savez, vous, que c'est notamment à mesure que le temps de travail a diminué dans la vie, a diminué dans la semaine, que l'espérance de vie a augmenté. Pas que pour ça, mais notamment pour cela. Et enfin, interrogeons les choses. Est-ce que travailler plus longtemps aujourd'hui, ça fonctionne? Amélie Carouer, vous avez en France un actif sur deux à l'âge d'arriver à la retraite qui n'est déjà plus en emploi. Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Songez que augmenter le temps de travail, c'est aussi aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors et de l'autre, le chômage des jeunes. Est-ce que la solution pour sortir du conflit, c'est un référendum ? Je vous pose la question parce que Marine Le Pen a lancé une pétition et je vous pose la question parce qu'en 2010, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, à la tête du parti de gauche à l'époque, qui avait appelé de ses voeux un référendum. Non, bah là, je pense que les choses sont assez bien avancées pour que la solution et l'objectif soient le retrait. Voilà, je vous le dis. Donc pas de référendum. Non, moi je pense que là, les Français commencent à avoir les idées suffisamment claires. Ils ont compris qu'il faudrait travailler beaucoup plus longtemps, que comparativement aujourd'hui, le niveau des pensions va baisser. Ils comprennent, parce qu'on leur dit, preuve à l'appui, que travailler plus longtemps, ça ne marche pas, que ça aggrave le chômage. Ils comprennent qu'on peut financer un modèle de retraite qui permet de partir à un âge décent avec une pension digne, que c'est faisable et que c'est pas du tout douloureux que de le financer. Donc ils n'ont pas envie de s'avaler cette réforme des retraites qui ne sert que les intérêts d'une petite minorité. Les seuls gagnants dans l'affaire, ce sera les assureurs et les banques, je vous l'ai dit. Moi, je veux qu'on entende aussi que dans cette affaire, les grévistes comme les non-grévistes, et je veux m'adresser d'ailleurs à ceux qui subissent la grève, vous avez, vous aussi, qui subissez la grève, intérêt à ce qu'elle réussisse. Il faut se serrer les coudes, ne pas succomber à l'objectif du gouvernement qui est que les Français se battent entre eux. Il vaut mieux, Amélie Carouer, il vaut mieux, songez-y, quelques semaines de galère qu'une retraite de misère, quelques semaines de galère. Vous dites quoi aux commerçants ce soir ? Ce que je viens de vous dire. Qui vont souffrir pour leur saison. Je vous dis, messieurs, dames, les commerçants. Après une année de gilets jaunes. Messieurs, dames, les commerçants. Qui s'inquiètent même pour leur survie parfois. Messieurs, dames, les commerçants, qui vous inquiétez pour votre survie, vous avez intérêt à ce que les retraités de notre pays aient des revenus décents pour pouvoir consommer. Voilà ce que vous avez, ce que j'ai à vous dire. Et il vaut mieux donc, y compris pour vous, commerçants, quelques semaines de galère. Et je conçois que ça soit extrêmement difficile. Je veux dire, c'est difficile la grève, c'est difficile pour ceux qui la subissent, c'est difficile pour ceux qui la font, qui aussi perdent des journées de salaire, ne pourront peut-être pas offrir les cadeaux à leurs gamins, etc. Il faut y penser aussi. Vous êtes persuadé que l'opinion va rester à vos côtés, que les usagers vont être un peu usés dès demain matin, parce que contraints. Vous ne craignez pas le basculement de l'opinion ? Disons que, c'est Noël. Disons que je souhaiterais, Amélie Carouer, que les médias passe effectivement plus de temps, comme on le fait justement ce soir, à parler du fond pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer et ce qu'ils vont subir sur leur retraite et qu'on peut faire autrement. Je pense que ça, c'est utile d'en discuter, que de passer toutes nos vies, 24 heures sur 24 presque, à la télévision, à commenter les effets de la grève. Partons d'un constat, et ça se résume en peu de mots, contrairement à la discussion sur les retraites. Oui, la grève, c'est difficile. Je le redis, c'est difficile pour ceux qui la font, c'est difficile pour ceux qui la subissent. Mais j'ai la certitude que ceux qui la subissent comme ceux qui la font ont un intérêt commun. Et je redis très solennellement à votre micro ce soir qu'il vaut mieux quelques semaines de galère qu'une retraite de misère, qu'il vaut mieux quelques semaines de galère que des années de calvaire et qu'on peut faire tout autre chose. Alors, je voudrais aussi revenir sur les mots de Jean-Luc Mélenchon. C'était cette semaine lors du cortège hier précisément à Marseille. Il a voulu appeler à la mobilisation, mais il invite à la plus stricte non-violence pour mardi prochain. Vous estimez que le gouvernement se sert des images de violence pour nuire au mouvement, c'est ça ce que vous pensez ? Écoutez, en tout cas, une chose est sûre, les images de violence diluent les mots d'ordre et l'objectif du mouvement social. Ça a le mérite d'être clair. Mais regardez, Mélenchon rien que a eu aussi des mots très forts à l'égard du préfet l'allemand. Bien évidemment. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est responsable de la situation et que cette violence, elle est instrumentalisée pour nuire au mouvement ? Donc, d'abord deux choses. Dire une chose, on a pu le vérifier jeudi. Jeudi, vous aviez une mobilisation qui était historique. Moi, j'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Hein. Et de tous ceux qui connaissent bien le mouvement social, c'est une journée historique dans l'histoire sociale de ce pays. Et les quelques centaines de casseurs qui ont procédé à de la casse à Paris ont un poids qui est tout petit, à côté de la masse considérable, ce million de Français qui a déferlé dans les rues. Mmh. Et regardez le temps d'antenne qu'on y a consacré. Et songez que des gens, du coup, après, se disent « Oula, si la manifestation, c'est ça, la prochaine fois, j'y vais pas. » Or, les manifestations étaient tout à fait bon enfant, bien organisées. Il faut saluer les syndicats pour la réussite qui a été faite. Et oui, moi, je vous le dis, dans un rapport de force tel que celui qui est engagé, la bataille est aussi une bataille de l'opinion. Et pour l'emporter, il faut pouvoir faire la démonstration de mobilisation de masse, où même si c'est dur, c'est joyeux, où on peut venir avec les gamins et les poussettes, sans craindre pour soi, pour ses proches. Et c'est ce qui s'est passé très largement, je dis. Et effectivement, moi, je considère que nous avons un problème sérieux avec la doctrine de maintien de l'ordre dans ce pays. Et quand je constate, par exemple, ce qui s'est passé lors de l'anniversaire des Gilets jaunes, place d'Italie, où moi, je me suis rendu l'après-midi dans une manifestation qui était déclarée et où, parce qu'il y avait des casseurs depuis le matin, alors quelques centaines, paraît-il, ne peut-on pas les neutraliser tout de suite pour les empêcher de nuire à la manifestation ? C'est une vraie question. Certains gilets jaunes, tout à fait pacifiques, ont dit, ce jour-là, on a eu le sentiment d'être dans un guet-apens. Et quand on voit, par exemple, Manuel, ce gilet jaune valenciennois, qui est un militant, pour le coup, et je l'ai au téléphone, je l'ai vu encore hier à Lille, absolument pacifique, qui lui est convaincu de la nécessité pour qu'une mobilisation réussisse, qu'elle soit pacifique. Se prendre un tir tendu en pleine figure, je veux dire, c'est insupportable. Et quand le lendemain, le préfet l'Allemand, interpellé par une femme dans la rue, à propos de ce qui s'était passé, lui répond « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Imaginez, Amélie Carouère, l'image de la République quand un de ses représentants se vit comme étant dans un camp opposé à une part de la population française. Et nous verrons mardi comment les choses se déroulent précisément. Pourvu qu'elles se déroulent très bien et que les Français soient très nombreux ce mardi à manifester pour le retrait de la réforme. Guillaume Tabar va faire son entrée sur ce plateau. Je vous signale ce soir qu'on poursuit la discussion autour des retraites avec même le gouvernement face aux syndicats. Et c'est présenté par Pascal Perry et Julie Hamet. C'est à suivre donc ce soir sur LCI. Je promettais l'arrivée sur ce plateau de Guillaume Tabar du Figaro. Vous êtes arrivé. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Amélie. Vous étiez en régie. Bonsoir, vous avez suivi l'interview. Qu'en avez-vous pensé ? Bonsoir Adrien Quatennens. Ben oui, je vous ai écouté attentivement. J'ai notamment écouté presque ce cours de gastronomie que vous nous avez donné en parlant abondamment de ce fameux gâteau. C'est la seule manière pour l'instant que j'ai trouvé pour rendre tout ça moins technique. Alors finalement, l'exemple est simple, il est clair, il est séduisant. Peut-être manquait-il juste un détail pour expliquer quand même que pour faire grandir ce gâteau, on ne disait pas aux invités que c'était quand même dans la poche de leurs enfants que l'on allait prélever ce qui était nécessaire pour le faire grandir. Mais attendez, arrêtons-nous un instant là-dessus. Guillaume Tabar, jusqu'à présent, c'est toujours dans nos propres cuisines qu'on a sorti les ingrédients pour cuisiner un plus gros gâteau. Je veux dire, la rupture, si vous voulez, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait. Je veux dire, au moins accordez-moi le point là-dessus. Jusqu'à présent, sinon prouvez-moi le contraire. À mesure que la part des seniors dans la population française a augmenté, la courbe est très claire. Parallèlement, on a consacré une part des richesses supplémentaires. Monsieur Macron, lui, est convaincu qu'il ne faut plus le faire. Mais c'est lui qui rompt avec ce qu'on a toujours fait en France. C'est pas moi. Non, mais aussi le fait que, comme vous dites, qu'il n'y a pas d'urgence financière, c'est aussi parce que des précédentes réformes aussi ont garanti aussi ce financement jusqu'à ce jour, des réformes que mais vous avez contestées. Mais s'il va falloir réformer malgré tout, raison aujourd'hui. Pour laquelle je pense qu'il faut réformer, pas comme le fait Emmanuel Macron, mais qu'il faut réformer. J'ai dressé les contours de la réforme que nous proposerions avec la France insoumise. Je pense qu'il faut réformer parce que ce système a eu des coups de canif sévères depuis quelques années qui l'ont affaibli et qui vont faire effectivement que si l'on ne fait rien, pas tout de suite, mais dans quelques années, les pensions vont diminuer, ce qui n'est pas acceptable de mon point de vue. Allez, on en vient maintenant à la polémique concernant une phrase de Jean-Luc Mélenchon à propos de Marine Le Pen. Oui, parce qu'à propos de Marine Le Pen, donc, qui appelait à soutenir ce mouvement social, Jean-Luc Mélenchon a souligné qu'elle avait fait un progrès en direction de l'humanisme. Alors, cette phrase a fait beaucoup couler d'encre depuis quelques jours maintenant. Bah, faites-nous finalement la bonne exégèse. Est-ce que c'était simplement de l'ironie? Ou est-ce que c'était un constat que faisait Jean-Luc Mélenchon qu'aujourd'hui, les frontières politiques doivent s'effacer devant l'urgence sociale? Non, écoutez, si c'est ça que vous imaginez, vous rêvez. Je vous pose la question. Non, mais ça mérite d'être clair. Jean-Luc Mélenchon s'en a expliqué lui aussi. Évidemment que c'était ironique. Enfin, qui peut croire raisonnablement d'ailleurs que Mme Le Pen, dans cette affaire, se situe véritablement dans le camp du progrès? Jean-Luc Mélenchon, justement, a eu cette phrase ironique sur le vieux port de Marseille. Il s'en est d'ailleurs lui-même expliqué. Comme quoi, en tout cas, la leçon qu'on retiendra, c'est qu'on ne peut pas faire de second degré dans un moment comme celui-ci. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Non, il faut être sérieux, cette question-là. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui considèrent que le vote qui exprime la colère, le leur en tout cas, ce serait Madame Le Pen. Moi, je veux m'adresser à eux. Parce que vous voyez, je vois un vrai risque. C'est que les Français sont une majorité à ne pas vouloir de ce duel de nouveau annoncé entre Monsieur Macron et Madame Le Pen en 2022. Et s'agissant de Madame Le Pen, ça fait des années qu'on crie au fascisme, qu'on fustige l'extrême droite, sans trop rentrer dans le détail, dans le combat avec eux, et ils ne font que progresser. Alors moi, j'ai une idée, j'ai une méthode. C'est de m'adresser solennellement à ceux qui, pas les racistes convaincus, pas ceux qui sont d'accord avec les vues ethnicistes pour la France de Madame Le Pen, les autres, ceux qui sont en colère, mais ne sont pas fondamentalement de cet avis. Eh bien, ceux-là, il faut pouvoir s'adresser à eux et leur dire très clairement. Si vous pensez que Madame Le Pen va mettre un coup de pied aux fesses du système, regardez son programme. Vous avez pour beaucoup manifesté, d'ailleurs il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté depuis plus d'un an et demi, pour des hausses de salaire. Madame Le Pen court les plateaux télé pour expliquer aux Français qu'elle est opposée à la hausse du SMIC. Vous avez eu des manifestations pour la justice fiscale. Madame Le Pen met sur sa liste aux européennes quelqu'un qui est pour la suppression de l'ISF avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc si vous voulez, il faut pouvoir dire clairement Que vous soyez en colère, oui, mais ayez une colère propulsive. Pas une colère qui nous emmène dans les bras de cette femme qui, franchement, transformerait la France dans un état que je ne voudrais pas voir pour mon pays. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'un électeur du Rassemblement National, on ne lui demande pas son vote avant de participer à une manifestation, ça, par ailleurs, c'est du second degré ou il est, Ça, par ailleurs, c'est juste une évidence. Ah, donc, dans sa phrase, il y a une phrase de second degré et une phrase d'évidence. Non, mais la phrase qui est en second degré, c'est juste évident quand vous connaissez Jean-Luc Mélenchon et quand vous l'écoutez, c'est quand il parle de l'évolution sur le fond de Mme Le Pen. Ça, c'est de l'ironie. En revanche, effectivement, supporter que dans un mouvement social qui, en plus, est organisé par des syndicats, il ne s'agit pas d'estampiller la manifestation de gauche. Hein. Vous savez, dans les syndicats, il y a des gens qui se reconnaissent de telle ou telle appartenance politique. Il y en a même certains qui ne savent pas encore exactement quel est leur avis. Il y a aussi beaucoup de gens, et ça c'est plutôt positif, qui remettent parfois en cause leur certitude de vote et évoluent, ce qui fait que la discussion est rendue possible. Oui, Guillaume Tabar, un mouvement social charrie des contradictions politiques. Mais juste pour autre question. Oui, mais juste pour conclure sur ce point, ni vous, dirigeants de la France Insoumise, ni Marine Le Pen et les dirigeants du Rassemblement National ne veulent d'alliance. Mais êtes-vous convaincu que vos électeurs, à vous ou elles, eux n'en veulent pas? Les siens, j'en sais rien. Et les vôtres? Puisque d'ailleurs je m'adresse à eux, mais les miens, ça mérite d'être clair. Enfin, dans l'histoire avec un grand H, comme aujourd'hui concrètement sur le terrain des idées, nous sommes les adversaires résolus. Je parle pas de vous, je parle des électeurs, mais bon. Oui, non, mais ben, moi je vous le dis, par ailleurs, très clairement, ça n'existe pas. Enfin, souvenez-vous du soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Nous avions fait un sondage, entre guillemets, interne aux Insoumis, pour savoir ce qu'ils s'apprêteraient à faire au second tour. Le mouvement était tout juste né. Pendant l'élection présidentielle, nous avions besoin d'avoir une photographie de l'instant, de ce qu'étaient finalement les gens qui composaient la France insoumise. On a demandé qu'allez-vous faire au second tour. Ben, vous avez trois tiers très nets. Un tiers qui dit « je vais aller voter pour M. Macron parce que je ne veux pas de Mme Le Pen ». Un tiers qui dit « je m'abstiendrai ». L'autre tiers qui dit « je n'irai pas voter ». Mais très franchement, faites-nous la démonstration d'électeurs de la France insoumise qui virent au Front National. Pour moi, c'est soit un vaste fantasme, soit extrêmement résiduel. Alors, question maintenant sur la recomposition de la gauche, Guillaume. Oui, parce que simultanément, Jean-Luc Mélenchon a proposé aux Verts un gouvernement commun d'état d'urgence écologique et sociale. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il propose une forme d'alliance. Hein. Il avait proposé une fois déjà une fédération populaire. On lui avait un peu claqué la porte au nez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permettrait qu'un rassemblement politique de la gauche s'organise? D'abord, on préfère le terme de fédération au terme de rassemblement parce que le terme de rassemblement donne l'impression qu'en fait, l'objectif est de se rassembler. Comme si, voilà, on se retrouvait dans une pièce et on se disait coûte que coûte, quel que soit notre désaccord, il faut qu'on sorte unis. Moi, vous savez, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la division à gauche, elle tiendrait aux guerres d'égo, etc. Non, la question est bien celle des contenus. Il faut pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui fait accord entre nous. Et nous avons proposé quelques bases qui permettraient de faire cette fédération populaire que Jean-Luc Mélenchon appelait de ses voeux. Et par exemple, effectivement, avec Europe Écologie Les Verts, il est à peu près clair que l'objectif relever le défi climatique fait accord entre nous. Après, ce sur quoi effectivement... Mais ils veulent pas gouverner avec vous. Mais ce sur quoi les paramètres restent à définir, c'est finalement quelle écologie pour faire face à la crise climatique. Moi, je vous le dis, par exemple, l'un des points de désaccord qu'il reste à solutionner avec Europe Écologie Les Verts, c'est la question du cadre des traités européens. Parce que moi, personne ne me fera croire que l'on peut procéder à la transition écologique dans le temps imparti sans investir considérablement. Or, précisément, investir considérablement, les traités européens actuels l'interdisent. Donc ça, c'est une vraie question. Mais il faut que Ce n'est pas une vraie question, c'est un vrai désaccord de fond. Mais un vrai débat, du coup. Un vrai débat. Moi, je pense que ce qu'il faut honorer à présent, c'est le fond. Et c'est bien le contenu et le fond qui potentiellement pourra créer le cadre d'une fédération. Moi, je vous le dis, je crois qu'il y a effectivement un nouveau bloc majoritaire à construire. Et vous avez raison de dire que, quelque sorte, la question climatique, elle dresse un intérêt général, en quelque sorte. Même si dans ce peuple, il y a des contradictions, si c'est la pérennité de la vie humaine sur Terre qui est menacée, tout le monde comprend bien que nous avons intérêt à solutionner cette question. Adrien la question, Quatennens, c'est comment le fait-on? Autre question, il y a le délibéré qui est attendu pour le procès des dirigeants de la France insoumise. Après les perquisitions, on s'en rappelle, au siège du parti, c'est demain, c'est à Bobigny. Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches sont poursuivis, je le rappelle, pour rébellion, provocation, acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire. Craignez-vous sa condamnation? Oui, il faut traduire rébellion. Rébellion, c'est en fait le procès de ceux qui ont crié un peu fort devant une porte, d'un local où c'était leur droit le plus complet que d'y rentrer, il faut quand même le rappeler. Vous craignez la condamnation demain ou pas? Écoutez, moi je pense que le plus intelligent de la part du juge du siège serait finalement effectivement de ne pas donner blanc-seing au parquet à ses réquisitions, c'est-à-dire le parquet qui lui dépend, le ministère public qui dépend directement du gouvernement, en disant que maintenant ça suffit, quoi, ça a assez duré en quelque sorte. Vous savez, dans cette affaire, on aura bien peu interrogé le fait générateur. Hein. Deux dénonciations sans preuve, qui ont abouti à des perquisitions dans une proportion absolument considérable dans tout le pays. C'est sans commune mesure avec ce qui est arrivé aux autres. On dit parfois, oui, mais c'est arrivé à telle autre formation politique, telle autre. Non, s'agissant du fait générateur, c'est inédit et c'est incomparable ce qui s'est passé pour la France Insoumise. Que ce qui sera dit demain ait un impact sur l'avenir de Jean-Luc Mélenchon ou celui de votre parti? Non, je ne le crois pas. Vous savez, le mal est fait avec les images qui ont été diffusées de manière très partielle et partiale d'ailleurs. Quand on a vu tout le document complet, on voit les moments où Jean-Luc Mélenchon montre bien qu'on ne s'oppose pas à la perquisition, mais dit bien que c'est notre droit d'être à l'intérieur du siège de la France insoumise. Donc je crois que le mal est fait parce que pendant un an, il y a eu les quelques images de 10 secondes qui ont été passées en boucle sans qu'on puisse vraiment réfléchir sur le fond ou se poser la question de savoir quel seuil a été franchi s'agissant du traitement judiciaire d'un parti politique. Moi, j'espère la relaxe, je vous le dis, j'espère la relaxe. Et puis, si ça n'est pas le cas, bah, écoutez, mes amis seront officiellement estampillés rebelles officiels, voilà, en quelque sorte. Ce serait une fierté pour vous ? Non, moi je pense que ce qui serait une fierté pour nous et qui honorerait notre pays, c'est qu'on arrête cette comédie parce que c'est un procès politique et que le juge prononce une relaxe et qu'on en finisse avec cette affaire. Et justement, s'il n'y a pas de relaxe, vous direz que c'est une décision politique ou pas ? Écoutez, c'est au juge du siège que cela appartient. En tout état de cause, moi ce que je continuerai à dire, quelle que soit l'issue du procès demain, c'est que ce procès est politique et que j'ai des arguments pour le prouver. Puisque j'en cite un, puisqu'on n'a pas le temps de faire tout le procès ici, mais l'un des faits générateurs, s'agissant par exemple des assistants parlementaires européens, vous savez que le Parlement européen, contrairement par exemple à l'affaire du Modem, le Parlement européen n'a jamais mis en cause la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. C'est une femme d'extrême droite, eurodéputée, Sophie Montel, qui avait dénoncé Jean-Luc Mélenchon, mais qui avait dénoncé aussi une quinzaine d'autres, Madame Alliot-Marie, Monsieur Yannick Jadot, à qui je ne souhaite pas d'ailleurs le même sort que celui qui nous a été réservé. Mais sur la base de ces faits générateurs, des dénonciations sans preuve, on a fourni l'alibi à la justice pour s'en prendre à la France insoumise. Et évidemment, dans une hiérarchie qui fait que tout le monde le sait, quand on dit la justice est indépendante, non, il y a des pans de la justice qui le sont, mais le parquet ne l'est pas. Justement, à ce propos, Jean-Luc Mélenchon avait parlé le concernant d'une instrumentalisation de la justice pour, disait-il, éliminer des concurrents politiques. C'est aussi un peu ce que dit Marine Le Pen à propos de sa mise en examen. Tiens, bon, mais donc peut-être que la France insoumise et Marine Le Pen, en quelque sorte, bon... Alors, on pose pas la question, mais sauf que vendredi... Posez pas la question, vous faites la conclusion. François Bayrou, lui-même, pour des faits voisins, à savoir la mise en cause du travail d'assistant parlementaire, a été mis en examen. François Bayrou, c'est pas monsieur, un opposant politique. Monsieur donc, Bayrou a été, et le Modem ont été mis en cause par le Parlement européen. Je ne sais pas quels sont les faits, je n'ai pas à me prononcer, je n'ai pas à commenter cette décision de justice. C'est les mêmes faits que Marine Le Pen. Oui, exactement. Mais en tout cas, ça ne sont pas, ni pour Madame Le Pen, ni pour Monsieur Bayrou, les mêmes faits que la France insoumise, qui a été dénoncée sans preuve et que le Parlement européen, lui, n'a jamais mis en cause. Et puis, on pourrait continuer comme ça. Par exemple, les comptes de campagne de M. Macron ont été signalés avec des irrégularités. Ceux de Jean-Luc Mélenchon, ils ont été validés avant qu'un conflit interne à la Commission ne débouche à ce signalement. Où en est-on des perquisitions à La République En Marche ? Est-ce que Guillaume Tabar, demain à 6h du matin, les policiers vont frapper chez M. Castaner et M. Macron pour procéder à des perquisitions ? Et n'y a-t-il pas un deux poids deux mesures dans le traitement judiciaire des affaires politiques dans ce pays ? Et n'est-on pas mieux placé quand on est proche de cette monarchie présidentielle que dans les opposants de la France insoumise ? La question mérite d'être posée. Elle ferait d'ailleurs une enquête journalistique tout à fait passionnante, je le crois. François Bayrou et Marine Le Pen, lequel des deux est le mieux traité, selon vous ? Franchement, cette question-là, j'ai pas envie d'y répondre, ça ne m'appartient pas. Deux dernières minutes et deux images d'actualité, si vous le voulez bien. On a sélectionné cette photo. 100 portraits décrochés du président ont été exposés au Trocadéro contre l'inaction climatique. L'association a voulu dénoncer l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Votre réaction ? Écoutez, ce sont des manières de faire qui sont tout à fait novatrices. Je pense qu'il n'y a rien de violent là-dedans. Hein, c'est plutôt bon enfant aussi. D'ailleurs, quand les portraits ont été décrochés, on a envoyé des jeunes devant les tribunaux. Mais en fait, il dénonce l'inaction climatique de ce gouvernement. Et c'est bien le plus grave. C'est que alors qu'Emmanuel Macron se fait sacré champion de la Terre parce qu'il a un peu parlé d'écologie avec un fonds de Seine Vert, il continue le CETA et le libre-échange qui aggravent le changement climatique. La France est complètement à la remorque et n'atteint pas ses objectifs pour les accords de Paris. Donc si vous voulez, les jeunes, cette génération qui va être chargée de régler ce défi, et vous voyez que le temps maintenant est limité pour pouvoir le faire, eh bien trouve des moyens autres pour dénoncer. Vous savez d'ailleurs, pour qu'il y ait vol en quelque sorte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se soit plaint du vol. Je n'ai pas vu qu'une mairie se soit plaint du fait qu'on ait décroché le portrait présidentiel. Autre image d'actualité, l'Algérie maintenant. Les Algériens sont appelés aux urnes le jeudi 12 décembre pour une élection présidentielle qui est décrite comme sous haute tension. Il y a une très forte émotion du peuple algérien et d'ailleurs des mobilisations partout en France parce qu'effectivement le peuple algérien...

Le pire a donc été évité. EDF a tout de même arrêté momentanément ses réacteurs de la centrale de Cruès-Metz, selon le fournisseur d'énergie, pour effectuer des contrôles préventifs. À la centrale nucléaire de Cruès-Metz, des vibrations ont cependant été enregistrées, ce qui nécessite de procéder à des contrôles complémentaires et préventifs. Afin de les réaliser et dans l'esprit du principe de précaution, EDF a décidé de suspendre momentanément la production des réacteurs numéro 2, 3 et 4 de la centrale de Cruès-Metz. Mais demeure un problème, si l'on en croit les règles de sûreté de l'autorité de sûreté nucléaire, l'intensité du séisme de Teille était supérieure à la magnitude prise comme référence pour la conception des deux centrales. Le plus gros tremblement de terre connu dans cette zone sismotectonique remonte à 1793 et affichait une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter. Par sécurité, la SN ajoute une magnitude de 0,5, soit une intensité maximale de référence de 5,2. Ce lundi, le séisme de Teille a atteint sur l'échelle de Richter une magnitude de 5,4. En clair, les normes de sécurité des deux centrales sont sous-dimensionnées et c'est bien ce que dénoncent certains collectifs anti-nucléaires. EDF ne peut donc décemment se contenter du message rassurant de ces dernières heures. L'électricien doit nous expliquer pourquoi, à leur conception, ces réacteurs ont été sous-évalués. La SN et l'IRSN doivent dès aujourd'hui se pencher sur les travaux nécessaires à la prise en compte du séisme du 11 novembre à midi et mettre à l'arrêt ces installations en attente de leur diagnostic et de la certitude qu'il n'y aura aucune réplique dans les jours à venir. Suite à l'accident de Fukushima, la SN avait exigé que les réacteurs du Tricastin soient arrêtés, le temps de renforcer des digues sur le Rhône. Le séisme de Teille pourrait mener EDF à réaliser de nouveaux travaux de mise en conformité. Vampicité dans la débine, la mécaette dans la mafia. Un coup de sourdine, deux sous de combine, et ta vie ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pour riche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pépin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en tes rengaines le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui t'aiment, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Une fois qu'il aura quitté l'Élysée, François Hollande n'aura pas besoin de donner des conférences pour arrondir ses fins de mois. Ses fonctions de maire de Tulle et de président du Conseil général de Corrèze lui assurent déjà 6 000 euros de retraite par mois. François Hollande a aussi été député pendant 20 ans et eurodéputé pendant 5 mois, ce qui lui garantit 6 800 euros supplémentaires. Il y a aussi l'indemnité qu'il va toucher en tant qu'ancien président de la République, 6 000 euros par mois,